voilà qui de la Russie, les États-Unis, la France, voilà aujourd'hui manipule mieux le soft power et à qui est-ce que cela profite le mieux. Rapidement, je vous retrouve, professeur François Dengue. Alors, on a l'impression que les Américains, voilà, font de l'influence, mais sans jamais vraiment se faire voir, beaucoup plus par des outils de soft power. Ils sont là, ils atteignent des objectifs, mais sans jamais se faire voir. Qu'en pensez-vous? Allumez votre micro, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Voilà, alors là, je suis rentré très, enfin, peut-être un peu brutalement dans le deuxième sujet. Parce qu'il était question de comprendre dans ce sujet-là, qui de la France, de la Russie, de la Chine et des États-Unis en Afrique gagne mieux à travers la pratique du soft power. Donc, c'est-à-dire que voilà, la pénétration par des mécanismes qui sont conçus, qui ne sont pas, qui peut-être peuvent avoir des conséquences brutales, mais qui à la base sont des outils plutôt soft, comme l'expression le dit. On voit que les Américains font de l'influence avec des outils de soft power et à la fin, il n'y a pas cette radicalisation qui arrive et pourtant, ils atteignent bel et bien des objectifs du point de vue économique. C'est-à-dire qu'ils arrivent à conquérir des espaces économiques, mais sans toutefois avoir un tel niveau d'impopularité, sans être pointé du sens aujourd'hui. Alors, de votre point de vue, comment ça se fait? Et d'ailleurs, est-ce que le constat est vrai pour vous? Le constat est à moitié vrai. En réalité, il faut se méfier du concept de soft power. Le concept de soft power a été inventé par le professeur Joseph Nye de Harvard pour décrire un certain nombre d'outils d'influence. C'est de l'influence. C'est-à-dire, quand vous parlez d'influence, il y a derrière toujours de la manipulation. Donc, tout ce qui vient de Yang Kixi, pour moi, c'est de la manipulation parce qu'ils n'agissent pas dans un contexte de compétition. Pour que vous puissiez exercer quelque chose qui s'impose, il faut que vous ayez des obstacles. On dit bien que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est très facile parce que vous êtes CNN, vous avez un avantage. Les autres n'ont pas et vous déversez tous vos mensonges parce que vous avez un monopole sur les grandes antennes que les autres n'ont pas et que vous le faites depuis des années, vous continuez à déverser tous les mensonges et surtout que les médias n'existaient pas encore comme les vôtres et que les médias nationaux ne font pas leur travail, n'ont jamais fait leur travail. Tous les médias publics, comme on dit, gouvernementaux en Afrique, moi je leur donne 0 sur 20 parce qu'ils ont vraiment 0 sur 20, tous. Je n'ai aucune excuse pour eux. C'est parce qu'actuellement il existe Internet que des voix alternatives se font entendre. Pourtant, si ces médias nationaux faisaient leur travail depuis, c'est-à-dire donner la parole libre aux gens, au lieu de servir uniquement un gouvernement. Quand on dit médias publics, ça ne veut pas dire médias du gouvernement. C'est les médias de la population, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les tendances devraient s'exprimer également. Or, ce n'est pas le cas, et ces médias, ils ont des directeurs qui touchent des salaires qui sont supérieurs à ceux des présidents, des chefs d'État européens, et qui ne foutent rien du tout, et qui en font, s'il y avait la vivacité du débat que l'on voit aujourd'hui, grâce notamment à Internet et des médias alternatifs qui souffrent, on n'en serait pas là. Donc, la notion de soft power, ce n'est pas une notion fonctionnelle. Pour moi, ça relève de ce qu'en droit concurrentiel, on appellerait un abus de position dominante. Parce que le soft power devrait pouvoir s'opposer à un contre-power. Mais comme les Africains ne développent pas de contre-power, il n'y a pas de combat. Donc, les Américains peuvent se cacher et faire ce qu'ils font. Et là aussi, le système éducatif ne donne pas les outils aux Africains pour pouvoir affronter cela. Pourtant, même ce que vous appelez le soft power américain ne tiendrait pas une seconde à l'analyse si les Africains avaient des outils. Par exemple, je veux citer un seul exemple et je vais m'arrêter là. Est-ce que vous savez que la CIA, naturellement, vous savez que la CIA a contribué à faire assassiner Lumumba. Et alors aujourd'hui, les Américains peuvent venir se présenter comme le Père Noël, dire qu'ils aiment les Africains, alors à aucun moment de l'histoire, Je dis, vous pouvez remonter aussi loin que possible. À aucun moment, aucun gouvernement américain n'a pris des positions pro-africaines. Donc, je parlais du cas de Lumumba. Est-ce que vous savez que c'est un agent de la CIA en Afrique du Sud, dont j'oublie le nom, je pourrais vous le redonner si ça me revient en tête, qui a donné le renseignement pour faire arrêter Nelson Mandela? C'est un agent des services. Et de quelle soft power américaine voulez-vous me parler? Quand le gouvernement américain, en collaboration avec le gouvernement de l'apartheid, fait arrêter le plus grand combattant anti-apartheid de l'époque, Nelson Mandela, et ensuite il sera condamné à 27 ans de prison, et le gouvernement américain va continuer à collaborer avec le gouvernement de l'apartheid. L'ANC a été déclarée organisation terroriste. Nelson Mandela était considéré comme un terroriste. Et même quand il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, il était encore là. Le gouvernement américain n'avait pas encore délisté l'ANC. L'ANC était encore considérée comme une organisation terroriste. Quand vous avez une information comme celle-là, et que CNN cache, que tous leurs médias à leur disposition cachent, de quel soft power s'agit-il? D'un soft power de mensonge? Je vous ai dit qu'il existe des mensonges par omission. Et je pourrais vous citer toute la liste de tout ce que le gouvernement américain, à quelque époque que ce soit, même le président Carter, qui était pourtant un homme de principe, un homme qui avait un minimum d'éthique. Mais si vous savez ce qu'il a fait contre les Africains, au début, quand il est arrivé en 1976, il voulait moraliser un peu la politique étrangère américaine. Mais quand il y a eu, Valéry Giscard d'Estaing a envoyé des soldats pour sauter sur Kolwezi et pour briser la rébellion des Africains dans le sang, le président Carter aussi a dit « Ah, c'est les communistes ». Et du coup, il a tout changé et il est devenu un des meilleurs amis de l'apartheid. De quel soft power américain voulez-vous parler? Parce qu'ils n'ont pas en face d'eux des gens qui ont du répondant. Est-ce que vous savez ce que les Américains, il ne faut pas, les Américains ne peuvent pas venir en Afrique et dire qu'ils font des soft power pour ceci. Comment traitent-ils les Noirs aux États-Unis? Est-ce que vous savez que dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, c'est écrit qu'un homme noir vaut 3/5 d'un homme blanc? De quel soft power voulez-vous parler? Parce qu'on n'informe pas les Africains. Je vous dis que la Constitution des États-Unis d'Amérique, les pères fondateurs américains ont écrit noir sur blanc qu'une personne noire vaut 3/5 d'une personne blanche. De quel soft power voulez-vous parler? Et aujourd'hui, je suis sidéré de voir qu'un dirigeant américain peut venir donner la morale. Même si nous avons des dictateurs, c'est nos dictateurs, c'est nous qui devons nous en occuper. Mais un dirigeant américain ne peut pas venir, moi je suis président, enfin je n'ai pas besoin d'être président, même je suis maire, un dirigeant américain ne peut pas venir faire de la morale à un dirigeant en Afrique, même s'il est le plus grand voleur du monde. Vous avez écrit qu'un homme noir est 3/5 d'un homme blanc. Mais parce qu'on n'enseigne pas ça, les gens voient soft power. Mais c'est quoi la soft power américaine? Une soft power de mensonge? Une soft power qui vous traite moins que rien? Donc, vous avez le devoir, puisque vous avez une audience, de faire de l'information. Et moi, je ne fais que de l'information. Je ne mens pas. Et tout ce que je dis est sourcé. Et vous pouvez aller lire. Ils ont modifié à un moment donné, mais c'était écrit, les pères fondateurs, ceux qui se sont réunis pour écrire la Constitution des États-Unis l'ont fait ainsi, alors que les Noirs n'avaient ni le droit de vote, ni le droit de se présenter. Mais les pauvres étaient chicotés, étaient fouettés et travaillaient pour rien pendant 400 ans. De quelle sorte power un blanc américain peut venir parler à un autre? J'entends les Joe Biden qui menace les Africains. Oh, si vous allez avec les Russes, vous allez voir. J'entends même cette femme noire, qui est Madame Linda, qui dit, oh, attention, vous allez subir des sanctions parce que vous allez faire alliance. Mais les Russes sont les seuls blancs, c'est le seul peuple blanc qui s'est mis du côté des Noirs. Et ça, je peux revenir à l'histoire de Hannibal. C'est la Russie. La Russie est fidèle, c'est le seul peuple blanc connu qui a pris le parti pris des Noirs. Les Russes se sont battus dans l'armée de Ménélique, la fameuse bataille d'Adoua, du 1er mars de 1898 ou 96, je ne me rappelle plus, dans ces deux. Les armes russes étaient déjà sur le terrain. Les soldats russes se battaient du côté des Africains contre l'impérialisme italien. Et c'est ces gens qui nous ont aidés depuis toujours que nous allons, on va nous forcer, ceux qui ont traité les nôtres, ceux qui ont traité les nôtres moins que rien, ont le courage de venir nous parler parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas de colonne vertébrale, qui ne peuvent pas leur répondre. Mais c'est incroyable. Nous vivons et on vient nous parler de quel soft power? Il n'y a pas de soft power. Et pour terminer, je veux vous donner une ou d'autres informations. Est-ce que vous savez que la Cour constitutionnelle américaine, la Cour suprême américaine, qui est l'organe qui fait la loi aux États-Unis? Il n'y a rien au-dessus d'elle. C'est elle, en fait, qui est un organe de raciste. La Cour suprême, dans un arrêt de mars 1857, a écrit, écoutez bien, que l'homme noir n'a pas de droit qu'un homme blanc est tenu de respecter. Je répète, l'homme noir n'a pas de droit qu'un homme blanc est tenu de respecter. Voilà une décision de la Cour suprême américaine. Est-ce qu'elle s'est jamais dédite? On s'étonne après que l'on tue les noirs, que la police tue les noirs, etc. Et les gens ne font rien. Et les dirigeants africains ferment leur gueule parce qu'ils ont peur, parce qu'on les corrompt avec 3 ou 4 billets de dollars. Ce n'est pas ça. Il faut regarder l'histoire, il faut étudier l'histoire. L'histoire est triste, les gens nous ont fait du mal, continuent à nous faire du mal, mais de grâce, qu'ils ne viennent pas en plus ajouter, se poser en donneur de leçons, surtout sur le plan de l'éthique. Ce n'est pas possible. Donc, pour résumer, pour moi, la notion de soft power ne peut fonctionner que devant un public qui n'a pas la connaissance, qu'on empêche d'accéder à la connaissance, surtout quand cette leçon vient de ceux qui nous ont traités et continuent de traiter. Ce n'est pas terminé et continuent de traiter comme c'est le cas. Et qui veulent nous donner des oukases pour nous empêcher de nous unir avec le seul peuple blanc, donc blanc, c'est-à-dire la Russie, qui a permis au cours de l'histoire que les Africains. Et si même aujourd'hui, vous voyez, les choses s'arrangent, on n'a pas vraiment besoin d'inventer. Pourquoi le Mali résiste aujourd'hui? Imaginez-vous qu'il n'y ait pas la Russie. Croirez-vous que le Mali aurait résisté 2 secondes? Ils auraient bombardé la Russie, ils auraient bombardé tout de suite. Et que, pourquoi pensez-vous qu'ils ont peur? Et que le Mali résiste un peu? S'il n'y avait pas la Russie, pensez-vous qu'ils n'auraient pas déjà fait du Mali ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Et maintenant, j'en prends qu'on veut donner des comptes. Qu'en somme, on montre le doigt à ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Burkina. Surtout pas les Russes, surtout pas les Russes. Et Wagner. Mais qu'est-ce que Wagner a fait? Mais les Burkinabés sont chez eux. Vous étiez là si vous aviez montré votre efficacité. Ils n'en auraient pas besoin. Les Russes, moi, écoutez, moi, vous pouvez dire ce que je veux, ce que vous voulez, mais moi, je m'en tiens à l'histoire. Jusqu'à présent, la Russie a été la seule. Je vous ai cité l'exemple de Ménélique. Je peux vous citer de Ménélique, ce qu'il était. Je peux vous citer même les Nations Unies. Et là encore, je risque d'être très, très long parce que les gens croient que les Nations Unies ont été créées pour la liberté des gens, pour l'indépendance. C'est faux. Les Nations Unies ont été créées pour maintenir la colonisation. Les Nations Unies sont créées le 8 octobre 1945. Pourquoi ces pays, l'Angleterre et même l'Espagne, le Portugal, la France avaient des colonies? Si les Nations Unies voulaient la liberté des peuples, ils auraient tout de suite introduit l'indépendance. La Russie était le seul pays, ils avaient 5 membres du Conseil de sécurité et il y avait 4 qui étaient contre l'indépendance. Il y avait la Chine, qui n'était pas encore la Chine de Mao, c'était la Chine de Chiang Kai-shek, et puis les 3 que vous connaissez, l'Angleterre, les États-Unis et la France. La Russie s'est retrouvée seule à lutter pour l'indépendance des Africains. Il faut que les Africains se rappellent cela. Et je crois que nous avons une dette que nous devons rembourser à la Russie, tant elle est en difficulté aujourd'hui. La Russie s'est retrouvée seule à réclamer l'indépendance. Et n'oubliez pas que quand on a tué Lumumba, la Russie a nommé l'une des meilleures universités de Moscou du nom de Patrice Lumumba. Ce n'est pas moindre chose. Et les Nations Unies ont dû attendre novembre 1961 pour créer ce qu'on appelle le comité d'indépendance, ce qu'on appelle le C-24. Mais dans ce C-24, quand vous entendez De Gaulle dire « l'ONU, c'est ce machin », pourquoi De Gaulle dit « l'ONU », il appelle l'ONU « machin » Parce que justement, quand la Russie a pu aider l'Inde à devenir indépendante en 1947, quand la Russie a pu aider la Chine à obtenir la victoire de Mao en 1949, et que des pays comme les Indonésies sont devenus indépendants, maintenant un petit groupe de pays est venu maintenant soutenir le travail anti-colonialiste de la Russie au sein de l'ONU. Et c'est seulement en 1961 qu'on a créé le comité d'indépendance. Vous voyez qu'il y a un écart de 16 ans. Pourquoi il y a cet écart de 16 ans? Si les autres pays voulaient l'indépendance, si l'ONU même, parce que aujourd'hui, j'ai assisté à plusieurs sommets de l'ONU à New York, et je vois les chefs d'État africains qui défilent et qui disent « Ah, notre ONU, notre organisation ». Ce n'est pas notre organisation, nous n'étions pas là. Et cette organisation a soutenu, a renforcé la main des colonialistes. Si la Russie n'était pas là, probablement l'Afrique serait encore sous les colonies aujourd'hui. Donc, ce comité de 24 est créé en 1961, et ce comité commence maintenant l'Afrique pour l'indépendance parce que la Russie a pu amener d'autres dans le camp anti-impérialiste. Et c'est ce comité qui, dans ce comité, il y a les États-Unis, il y a aussi la France, qui freinent des quatre fins. C'est pour ça que quand le combat va vers l'indépendance, De Gaulle ne veut pas l'indépendance et il appelle l'ONU ce machin. En réalité, c'est le comité. Le C-24 que l'ONU appelait ce machin, parce que ce comité, sous même l'Iran, était arrivé à ce moment, la Syrie est venue renforcer le camp des indépendantistes. Les Africains ont oublié tout cela, parce qu'on les enfume avec ce que vous appelez la soft power. Malheureusement, les Russes ne sont pas des gens qui font de la propagande, ce sont des gens très pragmatiques, ce sont des gens qui n'ont pas de temps à perdre à faire de la propagande, de l'entourloupe. Et ils ne sont pas compris. Et c'est un tort pour eux. Ils devraient, parce qu'ils ont beaucoup d'actifs en faveur qu'ils ont fait pour l'Afrique. Et s'ils n'étaient même pas là aujourd'hui, et je veux terminer là, ce que j'ai déjà répété, je vous assure que même le petit ébranlement que l'on voit d'indépendance qu'il y a pour l'Afrique n'existerait pas. Et je ne vous dirai pas tout ce que la Russie a fait dans le combat contre l'apartheid. Et elle est seule. Elle était seule. Les États-Unis étaient les grands amis de l'apartheid. La France, de Charles de Gaulle jusqu'à Mitterrand, ils étaient tous des grands amis de l'apartheid. L'Angleterre, n'en parlons pas, mais c'était tous des grands amis de l'apartheid. Ils viennent aujourd'hui, les dirigeants africains, comme s'ils n'avaient pas de mémoire, ils disent « Oh, l'aide au développement, on va se faire aider, etc. » Et je ne raconte pas de bobards. Nous sommes là devant des faits historiques. Il suffit simplement de rappeler cela pour que les faits mensongers, manipulateurs de ce que vous appelez soft power soient éliminés. Enseignez tout simplement l'histoire, allez voir ce qui s'est passé et essayez d'informer les gens. Merci. Merci à vous, professeur Ndegwe. Je pense qu'il faut peut-être faire une précision. Alors, le fait de dire soft et power par la suite, déjà, voudrait dire qu'on ne dit pas que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a toujours du contrôle, il y a toujours de la domination. Maintenant, ce sont les gens qui veulent changer, et sans toutefois dire que c'est une bonne chose. Je voudrais que nous soyons d'accord déjà là-dessus. C'est à moi que vous posez la question? Oui, parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que nous soutenons le soft power. C'est-à-dire, on disait simplement que dans cette approche-là, on voit que cette approche semble pratiquée, que ce soit par la France, qui dernièrement, on a vu le président Macron, quand il est arrivé à Étoudi, au palais d'Étoudi, à Yaoundé, au Cameroun, il a dit dans son discours, dans son allocution, qu'il venait pour refonder les choses. C'est-à-dire qu'il venait avec d'autres outils désormais pour toujours le même but, c'est-à-dire renforcer l'influence de la France. Mais il disait venir avec d'autres outils, d'autres moyens. Alors, le but dans cette autre partie du programme, c'est de tenter de comprendre finalement parmi cette panoplie, ou alors ces panoplies de moyens qu'on pourrait qualifier de soft, entre ceux utilisés par la Chine, la Russie, les États-Unis et la France aujourd'hui, quel pourrait être le moyen qui semble, enfin, qui s'en sort mieux? Grosso modo, c'était ça en fait, sans toutefois dire que cela pourrait aider l'Afrique. Si vous permettez, si c'est à moi que vous posez la Oui, question, vous je veux pouvez dire, dire il un y a mot un seul là-dessus, et critère. puis après j'élargis par la suite, oui. Si vous me permettez, je veux dire, il y a pour moi un seul juge de paix. Un seul juge, c'est la vérité. Tous ces machins, sauf par blablabla, est-ce que vous dites vrai et est-ce que vous êtes sincère? C'est tout. Après, c'est des désirs de manipulation, d'influence, de machin, etc. Est-ce que vous dites la vérité? Par exemple, puisque vous avez cité le président de la République française, vous savez que lors de son discours aux ambassadeurs, il l'a dit explicitement, et j'étais époustouflé, de dire que désormais, les ambassadeurs français et même le service médiatique français, c'est-à-dire France 24 et toute leur machine de propagande, devraient se mettre en route pour combattre les réseaux sociaux d'Africains. Mais j'étais époustouflé. Si le président d'un pays comme la France pense que le meilleur travail de ses ambassadeurs, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour combattre les Africains, parce que soi-disant, il y a un sentiment anti-français, c'est que vraiment, il n'a pas grand-chose à faire. Surtout dans l'époque actuelle. Parce que si vous regardez même, il n'y a pas un endroit où le président français est moqué, insulté, piétiné, que dans des réseaux sociaux français. Il existe des réseaux sociaux, je peux vous les nommer, qui insultent le président français, qui le traitent moins que rien, qui crachent sur lui, mais ils ne s'occupent pas d'eux. Pourquoi devraient-ils aller non seulement s'occuper des réseaux sociaux africains, et demander de mettre en branle tout l'appareil diplomatique français. Voilà, Je suis vraiment interloqué. et justement, professeur Ndewe, alors quand on parle des outils du soft power aujourd'hui, on voit également le soft power médiatique. Vous avez cité tout à l'heure CNN. Quand on regarde les médias du groupe France Média Monde, on voit que ce sont des médias qui sont, enfin, qui appartiennent au Quai d'Orsay, qui est le ministère français des Affaires étrangères. Alors à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas les considérer comme étant des outils justement de soft power? Ça, c'est d'un et de deux. Est-ce qu'en Russie également, il n'y en a pas? Est-ce que la Russie aussi n'a pas mis sur pied des outils médiatiques dits de soft power? On peut voir RT, Russia Today. On peut voir d'autres. Enfin, récemment, Facebook, d'ailleurs, a fait suspendre voilà, des dizaines, voire des centaines de comptes sur Facebook, reconnus officiellement comme étant influencés directement par le ministère français de la Défense et aussi reconnus comme étant voilà, utilisés directement par la Fédération de Russie. Donc, ma question est simple. De tous ces États dont il est prouvé qu'il y a des outils de soft power qui sont aujourd'hui déployés en Afrique, quel est celui qui, pour vous, peut-être, enfin, est moins toxique pour les Africains? Bon, vous allez me dire, on va me dire que je suis pro-Poutine. Ce n'est pas ça. Pour moi, d'emblée, tous les médias, tout le système, soit que vous appelez occidental, pour moi, c'est de la pourriture. Ce n'est même plus la peine de les regarder. Et vous venez de voir que ils sont incapables de supporter la concurrence. C'est pour ça qu'ils ont dû interdire toutes les chaînes qui ne disaient pas ce que ces médias veulent faire avaler par leurs auditeurs. Et je suis vraiment, nous vivons des gens qui, intellectuellement, pour moi, c'est un régal de voir que ceux qui, depuis des siècles, pérorent, donnent sermons, donnent des leçons sur la liberté d'expression, sont les premiers à interdire la liberté d'expression. Vous vous rappelez souvent, vous êtes journaliste, dans vos études de journaliste, vous avez dû apprendre cela sans doute. On a dû vous rappeler cette fameuse phrase, je ne sais pas s'il a été prononcé par Voltaire ou pas, qui disait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez l'occasion de le dire. Mais on entendait que ceux qui disent cela depuis des siècles l'appliquent, mais à la première incartade, ils ont tout simplement fermé. Pour moi, ils sont à jamais disqualifiés. Je ne pourrai plus jamais leur faire confiance à cela. Maintenant, il reste les médias russes. La Russie, n'oubliez pas, la Russie, c'est le pays de la révolution communiste. Hein. Pour faire la révolution, il faut la propagande. Ils ont sûrement leur façon de faire leur propagande, mais à la différence des autres, ils n'ont pas accès leur flux de soft power, comme vous dites, ou leur flux de propagande sur l'Afrique. La preuve, il a été très facile d'interdire Russia Today, y compris en Afrique. C'est quand même incroyable. Sur tout un continent, du jour au lendemain, on l'a pu l'interdire. Ça veut dire que les Russes n'avaient pas accordé vraiment une importance à cela. Je ne suis pas là pour faire de la propagande pour les médias russes. Comme je vous ai dit, mon critère unique, c'est celui de la vérité. Et de la vérité et de l'éthique. Si vous pouvez avoir de la vérité et de l'éthique et que vous faites votre travail de journaliste ou d'informateur correctement, que vous soyez russe, chinois, français, anglais, mongol, israélien, ça m'est égal. Ça m'est égal. Et que vous pouviez ouvrir le jeu. Donc, à ce point de vue, si vous voulez une réponse, parce que les choses ne sont pas toujours dichotomiques, ce n'est pas binaire, mais moi, je vous dis, je balaye désormais et pour toujours, je ne pourrai plus jamais faire confiance à ces médias, parce que ces médias, d'ailleurs, nous ont toujours fait du mal. Et par exemple, je vous ai parlé la dernière fois des trucs de Chagos, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Tout ce que je viens de vous donner comme information, par exemple, sur la Constitution américaine, ils ne parlent pas de ça. Je vous ai dit qu'un juge américain qui s'appelait Roger Tano, a écrit, qui donnait le point de vue de la Cour suprême américaine, qu'un homme noir n'a aucun droit qu'un homme blanc est tenu de respecter. Il ne vous parle pas de ça. Donc ce ne sont pas des gens sérieux. Mieux vaut les mettre de côté. Et pour les Russes, si les Russes viennent et font des mensonges, nous les mettrons aussi de côté. Le critère, le juge de paix doit être le critère de la vérité et avec et l'éthique, la vérité, et bien sûr, une déontologie. Voilà. Achille Queux, je vous retrouve très rapidement. On a écouté le professeur pendant longtemps. Mais je pense que c'était important parce qu'il fallait comprendre véritablement le fond de sa pensée et son positionnement, notamment sur la question, sur cette notion de soft power. Alors, partant de là, quand on regarde les approches en termes d'influence non armée, non violente, soi-disant, de ces quatre pays, autant pour moi, sur le continent africain, on se rend compte que les approches sont différentes, voilà, même dans les outils utilisés. D'un côté, il y a la France et les États-Unis qui arrivent avec les valeurs, en mettant en avant les valeurs occidentales, en disant qu'ils sont là pour promouvoir les libertés, les droits de l'homme, pour promouvoir l'inclusion sociale, etc., etc. Et d'un autre côté, on a la Chine, par exemple, qui est plus réaliste et qui arrive à travers ses organisations, juste pour dire, on va vous aider en vous apportant ce qu'on peut vous donner et puis on évolue ensemble. Et on a la Russie aujourd'hui qui dit je suis pour ce monde multipolaire qui doit faire en sorte que l'oppression occidentale ne doit pas s'abattre sur vous. Vous n'êtes pas obligé de croire en ces valeurs. Vous pouvez être vous-même, on peut être fort ensemble et faire face. Alors, dans tout ce que je décris là, vous, comment est-ce que vous analysez tout cela en termes d'approche justement et quel serait peut-être un jugement de valeur que vous porterez sur telle ou telle approche? Monsieur Fondeur, moi je pense que poser la question comme ça, ça n'avantage pas l'Afrique. Parce que l'Afrique est réceptive, est réceptrice, elle reçoit toutes ces influences-là. Ok? Nous avons subi ces influences pendant des siècles et des siècles. Ok? Enfin, on va parler peut-être de 7 siècles ou 8 siècles, je ne sais pas. Mais en fait, poser la question comme ça, ça ne nous sert pas à grand-chose parce que vous êtes en train de demander de mesurer qui a plus d'influence sur l'Afrique, sur les Africains. Est-ce que c'est les Américains, les Russes, les Chinois, alors, etc. Je respecte, peut-être que je n'ai peut-être pas bien formulé ma question telle que je la conçois. Alors, je voudrais simplement bien comprendre si les Africains ont conscience de ce qu'en réalité, toutes ces puissances en Afrique font de l'influence, que ce soit en hard power ou en soft power. Et à partir de là, vous posez la question à vous en tant qu'intellectuel de savoir quel est le regard que vous portez sur les approches. Pas pour dire si telle approche est meilleure que l'autre. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que l'émancipation du continent africain vient du fait qu'elle a su surfer justement sur ce monde multipolaire, c'est-à-dire en négociant des partenariats à gauche et à droite, et dans le cas par exemple d'un pays comme le Cameroun, où l'armée a été densifiée, consolidée, et aujourd'hui quasi imbattable du fait d'une coopération étroite avec d'un côté la Russie, des États comme Israël de l'autre, au détriment de la France pourtant qui était arrivée dans le hard power avec des contraintes via des accords militaires. Donc, pour faire simple, je voudrais simplement que nous puissions être mieux éclairés sur ce que vous, en tant qu'intellectuel, vous voyez à travers ces luttes d'influence en soft power sur le continent africain pour que nous soyons le mieux cultivés possible sur la question. Oui, non, j'en venais là. Je voulais vous expliquer, n'est-ce pas, le processus. En fait, c'est-à-dire que nous sommes du côté de la réception. On reçoit ces influences. Ce qui est intéressant pour tous ces gens qui influent, qui nous influencent, c'est de pouvoir nous amener à faire ce que eux ils veulent. Voilà l'idée derrière les soft power et les hard power. On va dire, avant les indépendances, c'était forcément le hard power. C'est-à-dire qu'il fallait nous forcer à faire les choses comme les Européens ou bien les Occidentaux voulaient, soit par les armes, soit par des diplomaties assez coercitives, violentes même parfois. Donc, après l'indépendance, on a remarqué qu'ils ont un peu changé de stratégie. Ils se sont dit, bon, on ne va plus nécessairement utiliser les armes, mais on va les inculturer, on va les forcer à manger du saumon en termes de culture, on va les obliger à écouter RFI, France 24, on va essayer de les obliger à ne pas publier des ouvrages qui vont dire, n'est-ce pas, la vérité historique des événements qu'ils ont vécu. Donc, tous les livres qui sont fabriqués pour l'éducation des Africains doivent être, comment on va dire ça, supervisés ou approuvés par la France ou bien les Occidentaux, etc., etc. Donc, qu'est-ce que nous, on gagne à pouvoir réfléchir comme eux? On ne gagne vraiment pas. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, moi, ce que je pense qu'il faut, il faut que l'Afrique définisse ses objectifs. Je pense qu'il y a un vent nouveau, il y a une jeunesse nouvelle, il y a un environnement nouveau, et il y a des conditions nouvelles sur le plan économique, n'est-ce pas, sur le plan mondial. Il faut que l'Afrique, par rapport à toutes ces influences-là, essaie de sortir, essaie de trouver sa place, c'est-à-dire définir, n'est-ce pas, ses critères, hein, et définir ses objectifs et voir comment réaliser ces objectifs-là. Et en influençant plutôt, n'est-ce pas, ceux qui peuvent nous influencer, en leur disant, écoutez, on vous écoute bien, on comprend ce que vous voulez, mais voici ce que nous voulons. Et tant que vous faites ce que nous voulons, on peut discuter en partenariat sérieux, de façon que personne ne sorte de cette affaire perdante, comme ça a été par le passé dans les années, enfin, les 7 derniers siècles. Donc, nous voulons changer de paradigme. Donc, il faut que l'Afrique réfléchisse toujours par rapport à ses intérêts et voir comment elle peut infléchir le cours des choses aujourd'hui. Si on parle strictement du soft power, on va dire que l'Amérique domine le monde avec son cinéma, avec sa culture, avec toutes ces multinationales, McDonald's et tous ces trucs-là, et toutes ces compagnies-là. Hein. Si on parle n'est-ce pas, d'influence par rapport à l'Afrique, on va voir des pays comme la Chine qui font un soft power, c'est-à-dire qu'ils viennent avec les outils qu'ils ont, et ils obtiennent des marchés, n'est-ce pas? Ils construisent des routes, ils mettent créent des entreprises, essaient de trouver de l'emploi, n'est-ce pas, aux populations, n'est-ce pas, aux Africains, mais trouvent aussi un moyen de pouvoir tirer bénéfice de cette relation-là. Si on regarde les Russes, essentiellement, c'est plus les résultats qui font le soft power russe, c'est-à-dire qu'ils viennent dans un pays comme la RCA, qui était à 90% occupée par, n'est-ce pas, des rebelles, etc. Eh bien, en quelques mois, tous ces rebelles disparaissent. Même chose avec le Mali, en quelques mois. Donc, c'est une influence très, très forte qui fait que les Africains sont attirés vers la Russie ou vers la Chine, qui essaient de trouver des solutions réelles aux problèmes qu'ils vivent. Mais sur le long terme, ça c'est culturel, mais sur le long terme, il va falloir que l'Afrique essaie d'imposer son soft power également. Parce que, vous savez, le soft power, ça peut être fait même en position de faiblesse. Vous êtes dans un couple, vous avez une épouse. Okay? Votre épouse est supposée être la personne la plus souple. Mais sa souplesse a une influence parfois sur vous qui fait qu'il y a des décisions que vous voulez prendre et que vous ne pouvez pas prendre. Pas parce que vous n'avez pas la force de le prendre, mais parce qu'elle elle vous touche là où, n'est-ce pas, ça compte. Et infléchit dans votre action, pas en vous menaçant, pas en vous grondant, pas en faisant du chantage, mais juste en vous convaincant que de réfléchissez mieux par rapport à cette action que vous voulez faire et voyez si elle peut porter des fruits positifs pour la famille. Donc, c'est un soft power, mais nous devons donc trouver le moyen d'utiliser cette formule-là pour influencer les Européens, leur écouter. Pendant 70 ans, vous avez dominé l'Afrique, dominé nos pays. Regardez les résultats aujourd'hui. Alors, toute l'Afrique est debout contre la France, contre les Occidentaux. Le monde même d'ailleurs est debout contre les Occidentaux parce qu'ils ont énormément fait du mal, n'est-ce pas? Ils ont tué beaucoup de monde, n'est-ce pas, avec toutes ces guerres qu'ils ont créées, n'est-ce pas, pour leurs intérêts personnels. Il y a comme un rejet. Et quand on regarde au niveau des groupes, on voit que l'Occident devient de moins en moins attractif. Elle est plus isolée et les pays veulent être complètement indépendants. À travers cette guerre de l'Ukraine, on a pu, n'est-ce pas, déterminer cela. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les intérêts des Africains soient mis au centre. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui est nécessaire pour nous? Et maintenant, comment allons-nous utiliser notre soft power pour influencer ces puissances-là qui ont des bombes nucléaires, etc., pour qu'ils fassent ce que nous voulons? Voilà la bonne question, à mon avis. Donc, là, maintenant, on peut maintenant poser les jalons, se dire, bon, voilà, voici ce que nous allons faire, voici ce que nous allons faire, et à partir de là, on peut espérer qu'avec le temps, on va pouvoir convaincre ce pays-là à changer d'avis. Mais si on veut aller avec les mêmes outils qu'ils ont, leur même méthode de travail, leur même raisonnement, leur même élément de langage, on risquera de se heurter à un mur qui fera que les choses ne se fassent pas comme nous voulons. Donc, c'est pour dire véritablement que poser la question comme ça serait assez compliqué pour un Africain de comprendre, parce qu'on a l'impression qu'on essaie de mesurer qui a plus d'influence sur nous ou qui a moins d'influence sur nous. Est-ce que ça nous permet de pouvoir? Non, je pense qu'en posant la question comme ça, c'est un peu plus difficile à répondre. Par contre, si on se pose la question, qu'est-ce que l'Afrique peut donner, peut faire, comme stratégie, soft power stratégie, pour pouvoir changer la donne aujourd'hui à travers le monde par rapport à la manière dont on voit l'Afrique, les besoins de l'Afrique, les relations, n'est-ce pas, les transactions entre l'Afrique et les autres pays, n'est-ce pas, du monde, la vision de l'Afrique, les objectifs de l'Afrique, n'est-ce pas, tous ces éléments-là, il faut pouvoir mettre ça en perspective, dans une stratégie qui nous permette, donc, à travers le soft power, de pouvoir infléchir le cours des événements de façon graduelle, éventuellement, et peut-être même accélérer à un certain moment donné. Donc, je pense que c'est cette approche-là qu'il faut utiliser. Voilà. Et professeur et docteur Eke, quand on vous écoute très bien, on voit que là, on vient de recevoir donc une grande leçon de soft power de la part des autorités maliennes. Parce qu'un seul coup de feu n'a pas été tiré contre la présence militaire française. Mais il y a eu une conjugaison, effectivement, de facteurs de type soft power qui, finalement, a poussé la France dehors. Elle a été obligée parce que, je parlais tout à l'heure d'un certain nombre de contradictions auxquelles elle a été soumise finalement par rapport à ses propres valeurs, par rapport à son propre positionnement par rapport au reste du monde, à sa place même au sein de l'OTAN ou alors à sa place même au sein de la communauté occidentale. Elle a été contrainte de partir pour sauver la face. Donc on pourrait, à partir de ce que vous avez expliqué ici, dire qu'il s'agit là d'une excellente leçon finalement de soft power africain. C'est-à-dire le Mali, malgré sa position de faiblesse, arrive à conjuguer un ensemble de facteurs de type soft power et arrive à une décision aussi historique que le départ de l'armée française et de l'ambassadeur de France du Mali. Je crois que c'est un exemple très clair, qui explique exactement ce que je pense par rapport à l'influence, par rapport à ce que l'Afrique, n'est-ce pas, peut apporter comme soft power pour pouvoir infléchir le coût des actions. Le Mali a fait partie de la France sans tirer un seul coup de feu. Ok. Alors, ça part de quoi? Ça part de la vision des leaders maliens. Ils ont une vision, ils ont des objectifs et ils ont réfléchi de façon stratégique comment faire pour changer le cours des choses sans nécessairement utiliser les outils que les Européens qui sont habitués à la force, n'est-ce pas, au chantage et toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut, donc, quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir changer le cours des choses de façon soft, de façon intelligente, sans, n'est-ce pas, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, sans qu'il y ait de guerre ou qu'on verse le sang ou qu'il y ait ce genre de choses. Donc, moi, je crois que c'est comme ça, c'est la voie que l'Afrique doit suivre, la voie du Mali est un très bon exemple que l'Afrique, même la République centrafricaine, voilà un autre pays également, qui est en train de mettre son bitcoin, qui met une monnaie digitale en place, et qui le fait sans gêner les gens, sans avoir des débats, n'est-ce pas, oiseux avec la Banque mondiale, le FMI. Non, ils ont décidé de créer leur sangocoin, leur bitcoin, ils font leurs choses comme ils le pensent, et voilà, c'est tout. Donc, maintenant, les autres seront obligés de s'adapter, parce que ce qu'on constate, c'est que tout le monde est en train de pourrir maintenant pour avoir une monnaie digital, pour essayer, n'est-ce pas, de prendre les devants et pouvoir contrôler le bitcoin, contrôler les économies africaines, éventuellement celle de la Centrafrique, qui est comme le pionnier, on va dire aujourd'hui, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, c'est dans ces outils-là que je dis que nous devons réfléchir pour mettre en place, pour influencer les autres, parce qu'on ne doit pas être seulement sur, n'est-ce pas, comme un réceptacle, on doit pouvoir aussi offrir et amener les autres à nous suivre, n'est-ce pas, dans ce que nous voulons faire, et donc les amener à faire ce que nous voulons, et non plus l'inverse. Et voilà, et c'est ce que la France a fait. Docteur Célestin Tchakounté, c'est ce que les autorités maliennes ont fait vis-à-vis de la France. Docteur Célestin Tchakounté, je vous retrouve. Alors, c'est bien donc justement de parler du soft power français, russe, des soft power français, russes, chinois et américains sur le continent africain, mais on vient, par une brillante démonstration du docteur Eke, de voir que, en réalité, notre position de faiblesse jusqu'ici ne nous a pas empêché aussi de développer du soft power, parce que des objectifs ont été atteints. On a cité le cas du Mali, on pourrait citer le cas du Cameroun. La France n'a jamais su à quel moment est-ce que le Cameroun s'est doté d'une armée aussi redoutable que celle-ci. Oui, oui, absolument. Déjà, bon, le soft power lui-même, c'est vrai, ça existe depuis toujours. Docteur Kel a dit, ça, les Américains sont les champions, tout le monde le sait, avec leur médias, avec leur Coca-Cola, leur culture et tout le reste. Mais ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ça a fonctionné pendant un certain temps sur nous. Ça nous a fait croire que, à part le bloc occidental, il n'y a personne. À un moment donné, nous savions que les meilleures universités étaient en France, dans le monde, que les meilleures universités dans le monde étaient en France. Malheureusement, voilà ce qu'on a. Jusqu'à ce que les Français eux-mêmes se retrouvent, je ne sais pas, à la 12e, 14e place dans un concours international de mathématiques. Voilà. je crois 30e place même d'ailleurs, quand pas 20e. Donc, quand on regarde tout ça, maintenant, l'Afrique se réveille, parce que quand vous voyez ce flow, c'est un peu comme du marketing. Et ce qu'on enseigne dans le marketing, c'est que si vous faites du marketing, si vous vendez vos produits, vous devez dire à peu près la vérité, même s'il faut exagérer un peu. Mais s'il n'y a rien en dessous, ça ne durera pas longtemps. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je crois que le professeur Dengue a dit quelque chose tout à l'heure. C'est que la Russie n'a jamais attaqué l'Afrique. Donc maintenant, les Occidentaux nous ont toujours embarqués derrière eux. Nous sommes avec eux. Ils sont. On m'a enseigné au cours moyen 1, je me rappelle, que la France est la mère du Cameroun, ce qui aujourd'hui c'est une absurdité. Ça veut dire qu'avant la France, on n'existait même pas du tout. Donc, on nous a fait le lavage de cerveau que nous dépendons de la France, c'est la France qui a tout. Or, maintenant, on se réveille, on se rend compte que, un, la Russie ne nous a déjà jamais attaqué. J'apprends même là aujourd'hui que depuis dans la guerre de Ménélik, l'armée russe a combattu. Quand les Européens sont réunis à Berlin en 1885 pour se partager l'Afrique comme un gâteau, la Russie était déjà une grande puissance, mais la Russie n'y a pas participé. Quand les Occidentaux ont décidé de marchandiser les Africains, les vendre comme des marchandises, la Russie a refusé d'y participer. Donc, maintenant, les Africains se disent, mais attendez, vous ne faites que nous dire qu'attention à Wagner, attention aux Russes. Mais les Russes n'ont jamais attaqué, n'ont jamais fait de mal. Mais vous nous dites, Maintenant, on se rend compte que donc, malgré tout le soft power qui peuvent dérouler, ça ne nous trompe plus, ça ne fonctionne plus. Parce que vous n'allez pas dire quelqu'un qui a violé vos soeurs, votre mère tout le temps, il va aller chez quelqu'un d'autre, vous dire non, celui-là est pire que moi, mais l'autre n'a jamais fait du mal. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, les Africains ont dit, c'est ce qui s'est passé au Burkina. C'est pour ça que les Burkinabés sont sortis dans la rue avec les drapeaux russes pour dire que nous ne voulons plus de la coopération française. Nous ne voulons plus de cette domination qui nous empêche même de respirer. Nous ne voulons plus cette domination qui nous chosifie. Nous voulons essayer une autre, pas une autre domination, pas du tout. Nous voulons essayer une coopération avec un autre pays qui peut être gagnant-gagnant. Et donc, on va donc vers la Russie. C'est par là qu'on doit aller. Parce que dites-vous bien que si le Mali, c'est ce qui a été dit là tout à l'heure, c'est parce que il y a l'armée russe là-bas. Sinon, l'armée française aurait dû attaquer le Mali. Si, pourquoi on n'attaque pas le Mali aujourd'hui? Parce que l'armée française sait que si elle entre aujourd'hui au Mali, elle va se retrouver nez à nez avec son pire cauchemar, qui est l'armée russe. Donc, c'est pour ça que le Mali tient. Donc, nous sommes engagés maintenant dans une autre coopération avec la Russie, avec la Chine, avec d'autres pays comme le Brésil, la Corée du Sud. Nous allons diversifier pour trouver notre chemin, pour bâtir notre relation. Et surtout, la Russie aussi a la même vision stratégique que nous, qui est d'un monde multipolaire. Parce que le problème des Occidentaux, c'est qu'il faut un monde unipolaire dominé par les États-Unis d'Amérique. Voilà leur doctrine, voilà leur religion. Il faut que le monde soit soumis aux Américains. Et donc, ce n'est pas l'ambition des Russes. Poutine l'a dit plusieurs fois. Ils sont pour un monde multipolaire. Donc, il faut que l'Afrique s'appuie sur d'autres, c'est comme la Russie, parce que les États-Unis d'Amérique, quand ils ont fait la guerre d'indépendance, ils sont appuyés sur la France pour vaincre l'Angleterre, et les États-Unis ne sont pas restés esclaves des Français. Ils sont devenus une grande puissance. Donc nous aussi, dans l'objectif de bâtir les États-Unis d'Afrique noire, parce que c'est ça mon ambition, il faut qu'on bâtisse les États-Unis d'Afrique noire comme une superpuissance, nous devons nous appuyer sur les puissants qui nous ont jamais agressés, qui n'ont jamais voulu faire de nous des russophones, parce que c'est aussi ça le problème. Les Occidentaux arrivent, il y a une partie de l'Afrique qui est francophone, l'autre est anglophone, l'autre est lusophone, l'autre est hispanophone, et puis quoi encore? Les Russes n'ont jamais voulu faire de nous des russophones. Ils n'ont jamais voulu occuper notre territoire, c'est le plus grand pays du monde. Ils ont un territoire tellement grand, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne veulent pas nous occuper, ils ne veulent pas nous agresser. Il ne veut pas qu'on soit des russophones. Donc, on peut faire avec une coopération gagnant-gagnant pour bâtir les États-Unis d'Afrique noire comme superpuissance. Voilà notre vision que nous avons. Et donc, maintenant, tout le mensonge que les gens racontent sur TV5, RFI, ça ne me touche plus du tout. Vous savez qu'à l'époque, pour savoir ce qui se passe dans le monde, tout le monde captait RFI. Maintenant, quand j'écoute ça, c'est avec tellement de distance que je ne suis plus. Parfois, ça me fait rigoler quand je l'entends parler. Donc, nous devons comprendre quelle est notre ambition, quelle est notre stratégie. On la met en route avec nos moyens. On n'a pas besoin de faire les mêmes moyens que les autres. On n'a pas leurs moyens. Mais on va, dans le cas d'espèce, on doit s'appuyer sur la Russie, sur la Chine, le Brésil, la Corée du Sud, pour bâtir très rapidement les États-Unis d'Afrique noire et l'ériger en superpuissance, nous avons les moyens, et faire en sorte qu'on soit respecté comme les autres. Voilà tout ce qu'on doit faire. Merci. Nous sommes largement arrivés au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Professeur Dengue, je vous dis merci d'être passé ce soir et je vous souhaite une excellente soirée à Washington. Merci. Merci également au docteur Eke. Une très bonne soirée. Je ne sais pas si vous êtes en soirée ou en journée, en tout cas. Une très bonne suite là-bas sur place à Washington. Il est 17h40 ici, donc, Soirée, donc on va dire bonne Merci. Soirée. Voilà. Et puis au docteur Célestin Tchakouté à Yaoundé au Cameroun qui est déjà au milieu de la nuit. Enfin voilà, je vous dis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Voilà, géopolitique internationale, voilà, géoéconomique, autant pour moi, internationale, édition, voilà, de ce mercredi, c'est terminé maintenant. Vous nous avez suivis avec grand plaisir, nous vous en remercions et nous vous retrouvons très très bientôt. Afrique Média, le monde, c'est nous.